Et donc, nous sommes chez Marie Leduc, rue de Saint-Modé, à Brignac. Oui. Et Marie, ton nom de jeune fille, c'était? Maguère. Ah oui, Maguère. Et tu es née? Le 22 octobre 1930. Le 22 octobre 1930, voilà. Et donc, tu t'es mariée à François Leduc.